après nous faisons le constat de tous les soucis, les dégâts, de tout ce qu'a fait Nicolas depuis qu'il est là, président du pouvoir d'achat. C'est avec ces quelques mots-là qu'il vous a tous préparé à devenir les bouffons du roi. À peine les bulletins au fond des urnes, il leur donne déjà leur thune aux petites bourgeoises une par une. Il diminue l'impôt sur la fortune, travaillez plus pour gagner plus. Voilà une de ses petites astuces, bien préparé dans sa liste son corpus de tes écrits pour faire en sorte qu'il soit élu. Et vous, vous lui avez fait confiance, vous lui avez remis le destin de la France. Mais où est passée votre conscience? Maintenant, on n'a plus aucune chance. Et vous, vous lui avez fait confiance, vous lui avez remis le destin de la France. Mais où est passée votre conscience? Maintenant, on n'a plus aucune chance, aucune chance de libérer la France de tout cet incompétent. Aucune chance, aucune chance de libérer la France de tout cet incompétent. Alors que le peuple bat pour payer la bouffe, les fringues et le loyer, lui vit en toute tranquillité depuis que son salaire a triplé. Pour lui ce qui compte c'est pas le pays, lui ce qu'il aime c'est la photographie. Main dans la main avec sa Carla Bruni pour faire demain la couverture de Poissy. Recevons général Gaddafi, cet homme cruel durant toute sa vie. Recevons-le dans le pays où les droits de l'homme furent écrits. On dit pas que monsieur le président n'est pas un homme intelligent. C'est juste qu'il doit s'occuper autrement, qu'on serre dans les sièges du gouvernement. Et vous, vous lui avez fait confiance, vous lui avez mis le destin de la France. Mais où est passée votre conscience? Maintenant, on n'a plus aucune chance. Et vous, vous lui avez fait confiance, vous lui avez mis le destin de la France. Mais où est passée votre conscience? Maintenant, on n'a plus aucune chance, aucune chance de libérer la France de tout cet incompétent. Aucune chance, aucune chance de libérer la France de tout cet incompétent. Ces mots sont pour tous les Sarkozy, nos arrière-pensées sarcastiques, nous. On essaie d'enclencher le déclic, il faut changer notre politique. Ces mots sont pour tous les sarkozystes, nos arrière-pensées sarcastiques, nous. On essaie d'enclencher le déclic, il faut changer notre politique.